T'as le boule qui s'emboule quand tu m'envoies des photos. T'as le boule qui s'emboule quand tu m'envoies des photos. T'as le boule qui s'emboule quand tu m'envoies des photos. Quand tu m'envoies des photos. Y'a trop de traîtres, y'a trop de folles, y'a trop de frères enfermés en tôle. Que tu chantes pour rien, que tu me fais le monstre. On les baise à tous, demande à Momos. Sans retexte, prends les chemises tournées. Croise un peu plus d'élite, nounet. Il vit la nuit, puis dans la journée. Le sultan l'a détourné. Sans retexte, prends les chemises tournées. Croise un peu plus d'élite, nounet. Il vit la nuit, puis dans la journée. Le sultan l'a détourné. J'ai perdu mon temps, j'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents, ils me font toujours plein de manières. Y'a plein de choses que je ressens quand je repense à la galère. J'fais du vrai, tu le sais, tu penses en tout le sang. Moi tu parles mieux, c'est tu le sais, le sang. Y'a trop de traîtres, y'a trop de folles, y'a trop de frères enfermés en tôle. Que tu chantes pour rien, que tu me fais le monstre. On les baise à tous, demande à Momos. Sans savoir, ils osent accuser. J'envoie la juge maintenant, tu sais. C'est la fin du parloir. Ils vont te faire tousser. Et je vais te mettre au sol pendant que tu dessoules. Tu finis seul, j'en même plus un sou. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents. Ils me font toujours plein de manières. Y'a plein de choses que je ressens quand je repense à la galère. J'fais du vrai, tu le sais, tu penses en tu le sens. Moi tu parles mieux, c'est tu le sais, le sang. Et c'est pour Gilou, tu peux pas imaginer. Trop fou vert chez nous, enfile ton gilet. Et c'est pour Jaco, nous on parle pas trop. J'ai rien fait de ta life, nous fais pas le patron. J'en passe une pour Bim Bim, respecte la Dream Team. Parle pas au téléphone, elle est cramée la Team Team. J'en place une pour nos frères partis. Parce que rien que ça dire, nique les BDA. Qui se colle pour s'en sortir. Nique les BDA. Qui se colle pour s'en sortir. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents. Ils me font toujours plein de manières. Y'a plein de choses que je ressens quand je repense à la galère. J'fais du vrai, tu le sais, tu penses en tout le sens. Moi tu parles mieux, c'est tu le sais, le sang. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents. Ils me font toujours plein de manières. Y'a plein de choses que je ressens quand je repense à la galère. J'fais du vrai, tu le sais, tu penses en tout le sens. Moi tu parles mieux, c'est tu le sais, le sang.